Égalité mon cul. C'est super d'avoir chaque année, depuis des décennies, une journée des femmes. Toutefois, il en faudra bien plus pour ébranler l'empire des misogynes qui ont encore de beaux jours devant eux. Il n'y a d'ailleurs aucun besoin d'envisager une pareille journée en l'honneur des hommes, puisque c'est déjà chaque jour leur fête. Rien ne les ébranle. Ils décident, dirigent, saccagent en toute tranquillité. Soyons réalistes, le droit des femmes, la parité dans la politique, l'égalité des salaires sont autant de chimères. Il en est de même pour le sexe, sachant que les femmes sont encore trop souvent considérées comme des objets sexuels, ce qui n'est pas surprenant vu qu'il y a vraiment tout à revoir dans la représentation de la sexualité dans ce monde dit civilisé. Ce n'est pas étonnant que la jeunesse soit totalement larguée. Ballottée entre les non-dits et l'accès facilité à la pornographie, il y a de quoi perdre le nord. À ce rythme, les mentalités ne sont pas prêtes de changer. Pour le moment, c'est toujours totalement normal pour les mecs d'avoir besoin de baiser, alors que pour les nanas, cela reste tabou. Comme si elles n'avaient pas le droit au plaisir. C'est pour cette raison qu'on valorise les hommes à femmes et qu'on condamne les femmes à hommes. D'ailleurs, lorsqu'il y a adultère, cela sera systématiquement la faute des femmes. Autant la maîtresse qui a détourné le faible du droit chemin, que la misérable épouse qui n'a pas su satisfaire son formidable mari. Lamentable. Cependant, heureusement que les femmes ont envie de cul. Sinon, extinction de l'espèce humaine garantie. Car mine de rien, bon nombre de naissances n'ont pas été planifiées et sont le fruit d'une envie subite initiée par de vilaines tentatrices. Néanmoins, il est toujours difficile pour une femme d'assumer son appétence pour des plaisirs charnels, tout autant que d'avouer des pratiques jugées déviantes, pourtant très prisées de part et d'autre. Il n'est d'ailleurs pas impossible que la libération sexuelle des femmes fasse peur, pour la simple raison que pour satisfaire et garder une fille dite émancipée, un simple missionnaire ne suffira certainement pas. De même qu'il y a une grosse remise en question en perspective pour les éjaculateurs précoces. Afin de faire évoluer les mentalités, il serait peut-être utile de créer l'année de la sexualité féminine, ce qui permettrait peut-être enfin de sensibiliser et d'informer les obtus et les ignares. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.